Ce matin, là, je vais être dans les confidences avec vous autres. Je me sens comme la première date avec une fille. Je suis un peu excité, mais je sais pas trop là, à quoi m'attendre. Je veux juste que ce soit cool, relax, puis le fun. Puis là, ma date du jour, c'est Damien Robitaille. Bienvenue chez vous, Damien. Merci beaucoup. Bon matin, c'est de la ironie. Comment on se sent là, de revenir à la maison? Oh, on se sent toujours bien de revenir à la maison. D'autant plus on va faire un spectacle en fin de semaine. Puis là, c'est la fin de semaine du Festival du Loup. C'est toujours amusant. T'sais, une bonne fin de semaine pour montrer sa fierté pour la région de La Fontaine. Et, ouais. Puis là, c'est-tu un peu comme la petite séduction quand tu reviens chez vous où quand le Canadien gagne la Coupe Stanley, tout le monde t'acclame là, à La Fontaine, t'attend à bras ouverts? Ben, il y a ma mère. c'est ça. Il y a comme une défilée de ma mère qui est là. Mais elle a les bras ouverts, pas pour moi, mais pour mes filles. Ah, comme, OK, oh, OK. Mes petits-enfants. Toi, c'est après. Ouais, c'est plus subtil. À La Fontaine, là, on me disait là, que presque tout le monde est de la famille, cousin, cousine. Ça veut dire que vendredi, tu fais un show pour la famille. Il va avoir peut-être juste moi là, qui va être un peu un dénominateur là, inconnu dans la gang. Ben, j'espère. Ben, ouais, un grand pourcentage va être la famille, on va dire. Ben, faut dire que quand tu viens de la région, là, je sais pas, on se sent comme une grosse famille, même si on n'a pas famille de sang, mais c'est. On a grandi ensemble, on était à l'école ensemble, toute la gang. C'est assez petit, alors. C'est comme une grosse famille, mais je suis sûr que bien vite, tu vas te sentir comme dans la famille. Certainement. C'est quand la dernière fois que t'es venu? Oh, à Pâques. Je viens une fois par saison, au moins. Ah oui, tu viens visiter un peu tout le monde. Mais ton dernier show, ça remonte à quelques années, je pense. Ben, le dernier show à La Fontaine, ouais, ça remonte à 5 ans. J'ai joué à Barrie, il y a 2-3 ans. Mais, ouais, non, pour le Festival du Loup, c'était la 10e édition. Alors là, cette année, 15e édition, bien fier de revenir. Le show de vendredi là, de Damien Robitaille, faut s'attendre à quoi? Ben, c'est le spectacle. Qui s'appelle Univers parallèle. On tourne depuis un peu plus qu'un an. Basé un peu sur le dernier disque, Univers parallèle, mais aussi, forcément, je peux pas m'empêcher de faire toutes les autres hits, entre guillemets. Je me plonge dans le répertoire de mon autonome, omniprésent, l'homme qui me ressemble, tout ça. Et tout de même, je vais faire des vieux classiques comme La Fontaine. On va voir si les gens le demandent. Là. Ben, pourquoi pas? J'ai joué quelques fois. C'est vraiment une toune du village. Tu joues-tu des fois ailleurs qu'ici? Ah, ça m'est arrivé de jouer La Fontaine. Je sais pas. Si les gens me le demandent, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois là, que les gens me le demandent. Tu sais, au Québec, je suis comme, comment ça, vous connaissez ça? Puis là, je pense que c'est rare. Tu sais, le premier disque que j'ai fait. Je l'ai fait ici à l'école secondaire Le Caron l'an 2000. Je le vendais ici à Caisse Populaire et au dépanneur. Alors, il y a pas grand monde qui ont ça. Peut-être 200 personnes qui ont acheté ce disque-là. Mais là, j'ai des boîtes de ce disque-là chez nous. Mais tu sais, je les vends pas en spectacle. Mais il y a du monde qui me demande de temps en temps, hey, ton disque, on aimerait ça l'avoir. Alors, c'est comme une pièce de collection à ça. Faut dire que depuis ce temps-là, t'as fait beaucoup de chemin. Ton dernier album, bon, c'est Univers parallèle qui est sorti en 2017. Puis avec Omniprésent, t'as gagné un Juno qui était plus d'un style disco. Nominé pour un Juno, pas gagné. Là, t'as décidé, t'explores souvent là, dans tes nouveaux albums différents styles. Là, c'est quoi t'as décidé d'explorer dans Univers parallèle? Ben là, j'essaie... C'est pour la première fois, je me laissais pas influencer par un style de musique en particulier. T'sais. Par exemple, Omniprésent, je me laissais influencer. Je découvrais la musique de l'Amérique latine. Alors, je plongeais là-dedans. Homme autonome, c'était plus du reggae, soul, qui ça donnait un bon petit mélange. Puis le précédent, c'était comme du folk country rock. Là. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, pas de style en particulier, puis ça donne Puis ça donnait quelque chose de plus, je sais pas, peut-être un son plus authentique, là, avec... Mais c'est par la suite, en enregistrant puis faisant les arrangements, j'ai m'amusé à faire les harmonies vocaux, bâtir ça, puis ça... Alors, ça donne un son un peu plus gospel là, au disque. Parce que souvent, on voit les artistes, là, ils prennent une direction puis ils vont là-dedans longtemps. Toi, t'as décidé, si je peux prendre le terme, t'es peut-être un polyamoureux là, des styles musicaux. Ben, tu sais, il y a trop de bons styles de musique là, dans le monde. C'est pourquoi mettre le focus juste sur un style? T'sais, moi, les artistes que j'aime, c'est des artistes qui chante, qui se réinvente à chaque album. Puis, tu sais, moi, c'est ça qui arrive naturellement. J'aime pas ça me répéter trop souvent en musique. Là. Sauf que, c'est forcément, il faut que tu te répètes dans les spectacles. Tu joues les mêmes chansons toujours, mais moi, j'adore ça. Mais sur disque, je me dis, pourquoi pas faire de quoi de nouveau? Tu sais, des artistes comme Serge Gainsbourg, David Bowie, les Beatles, Beck, tu sais, ils se réinventent tout le temps. Je trouve ça garde vivant. On s'ennuie jamais. Mais est-ce que tu trouves que ça peut être un couteau à deux tranchants, ça, en changeant de style à toutes les fois? Bon, ça dépend. Peut-être que le public, parfois, peut avoir de la difficulté à suivre. Là, mais si je m'amuse pas, là, ça... Si c'est pas trippant pour moi, là, c'est quoi le but de faire de la musique? C'est ça, être un artiste. Pour moi, c'est ça. Un artiste, c'est de se réinventer toujours, puis de se questionner toujours, puis évoluer. C'est pas l'artiste, c'est humain. Oui, certain. Mais moi, je me pose aussi la question. À toutes les fois que tu décides de réécrire un album, de faire un nouvel album, c'est quoi ton processus là, musical, d'écriture? Comment tu fonctionnes? Ben, dernièrement, la façon que je fonctionne, ben, ça a toujours été de même. Au début de ma carrière, on avait encore les dactylos, les cassettes. Oui. Je pesais les deux boutons, puis ensuite, j'enregistrais des petites idées. Master, c'est avec mon téléphone. Mais tu sais, j'ai toujours des... dès que j'ai une idée, une mélodie dans la tête ou un petit riff là, de guitare, quelque chose, j'enregistre l'idée. Ensuite, j'accumule des centaines d'idées comme ça. Et même chose avec les paroles. Okay, dès que j'ai une idée, ça serait un bon sujet serait, comme tu as dit, couteau à double tranchant. Imagine une chanson là-dessus. Alors là, je note des petites phrases ici et là. Puis après, je prends tous ces petits morceaux-là, des centaines de morceaux, je commence à les assembler. Puis j'essaie de bâtir quelque chose qui a du sens, puis qui est trippant. Mais là, si jamais tu fais une chanson au couteau à deux tranchants, j'espère que tu vas mettre mon nom en dessous pour dire que je t'ai donné l'idée. Ouais, c'est ça. On va voir. Tes premières influences, c'était les Beatles. En quoi là, on va retrouver ces influences-là dans ta musique? Dans la musique, y a un style, le piano, beaucoup... un petit côté honky-tonk, là, un peu à Paul McCartney. Il y a ça, il y a les... Je sais pas, parce que j'aimais toujours des Beatles. Il y avait toujours un petit côté pince en rire. Autodérision, tu sais. Puis, je sais pas, il se gênait pas de rire, tu sais. Puis alors là, tu sais, il y a des tunes sérieuses. Puis, il y a leur tune un peu plus colorée, un peu humoristique à la fois, tu sais. Et j'aime ça, faire balancer ça. C'est sûr que les gens, tu sais, ils vont mettre le focus sur le côté humoristique parfois de mes affaires, mais tu sais, écouter les Beatles, là, c'est... Il y a un gros pourcentage d'entre eux qui sont un peu drôles, tu sais, mais c'est des gens de Hey Jude, moi j'ai des Monsieur Astronaute, là, c'est de balancer les styles. Puis comme je disais tantôt aussi, comme chaque album, les gars, ils aiment ça de se réinventer, puis c'est ça. Puis, en étant signé sur une grosse compagnie, est-ce que pour toi, tu as une latitude totale ou on tire les brides un peu pour te guider là, vers où t'en aller? honnêtement, j'ai vraiment une bonne liberté. Ils vont faire des suggestions, mais c'est moi qui prend les décisions à la base. T'sais. C'est sûr qu'il y a des limites financières, parce que c'est eux autres qui payent pour la production du disque et tout, mais t'sais, moi, j'aime ça refaire des choses un peu... minimaliste, ça tombe bien. Mais je savais pas là, que toi, t'étais quand même assez populaire en France. T'as fait des sorties, t'es allé aussi en Suisse. Je sais pas si... Tu sais, je te comprends parce que, tu sais, toi puis moi, on a un accent différent. Les Français, les Suisses aiment ça. Je te comprends d'être allé là. Peux-tu nous parler un peu de cette aventure-là? Ouais, ça fait un petit bout que j'ai pas été, mais il faut préciser, je suis pas populaire là-bas, mais pas du tout. Mais pendant un bon 10 ans, j'y allais au moins 2 fois par année faire des spectacles dans plusieurs régions et tout. Puis l'accueil était toujours bon, tu sais. Au début, je me disais, oh, ils vont pas me comprendre, mais quand je vais là-bas, tu sais, ils aiment ça autant qu'ici. Mais le problème c'est que là-bas, c'est un territoire tellement plus, ben, pas le territoire, mais le public, il y a 10 fois plus de francophones là-bas qu'il y a ici au Canada. Alors là, c'est un défi de pouvoir les rejoindre. Tout. Alors l'idéal, c'est d'avoir un gros hit, jouer à la télévision, mais ensuite, tout le monde te voit, puis ensuite, t'arrives là-bas et ensuite, on t'accueille en héros, puis c'est facile. Sinon, faut que tu ailles là-bas souvent, jouer dans les petites salles, puis il faut bûcher, puis ça coûte de l'argent, ça rentre. Alors, c'est un défi, là, mais j'ai hâte de retourner. Ça fait presque 5 ans que j'ai pas été jouer en France. Parce que là, en France, on le voit, le Stade de France, c'est rempli, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Là. On voit pas ça ici, là. Pour des spectacles, pour des artistes. Pour des artistes francophones, en tout cas, on voit pas Céline ici. Ou d'autres comme Johnny Hallyday à l'époque, mm-hmm. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pour l'Europe, parce qu'ici, on n'est pas capable d'atteindre autant de personnes en même temps. Non, je sais pas, on dirait que... Ben, il y a juste 7 millions de francophones ici, un peu éparpillés sur un énorme terrain. Alors, on joue dans une petite salle. Puis moi, j'aime ça. Là, c'est... Mais un jour, le Stade de France. Un jour, Hollywood Bowl. On te le souhaite. Si on va un petit peu du côté franco-ontarien, là, percer en français là, dans un milieu majoritairement anglophone, c'est pas évident. Qu'est-ce qui a fait là, que les portes du Québec sont ouvertes pour toi là, du côté musical? Qu'est-ce qui a fait ça? Ben on se dit, ils ont été chanceux là, que j'ai été là-bas. Là. Mais pour toi, y a-tu fallu que tu sois plus persévérant, que tu achales plus pour qu'on finisse par te remarquer? Ah non, moi... Honnêtement, c'est juste en restant soi-même, tu sais. Ben, j'essaie pas de changer mon accent pour qui que ce soit. Je suis resté authentique. Là, disons que un déménager là-bas m'a aidé. Faire des concours là-bas, ça m'a aidé. Mais je me dis, si t'arrives avec un produit de qualité puis que tu travailles fort, là, ça va. Ça va déboucher, tu sais. Mais je pense que ça, le fait d'être franco-ontarien ou d'être un gars de La Fontaine, ça m'a aidé parce que l'accent et tout, là, ça, déjà, juste quand je parle, les gens là-bas, ils s'en souviennent. On tend l'oreille, hein? Oui, on dit, ah, c'est quoi ça? Ça devient original naturellement, tu sais, déjà là-bas, sans que j'aille chanter, tu sais. Puis là, depuis quelques années, bon, tu restes au Québec. Commences-tu à pogner l'accent québécois, là? Je sais pas, là. Faut dire que depuis que j'étais au Québec, mon français est beaucoup plus solide qu'il l'était à l'époque. Mais je veux pas prendre d'accent, tu sais. J'imagine que je veux pas prendre, tu sais, on veut rester nous-mêmes. Oui, on veut rester soi-même. Je suis bien fier de mon accent, mais je suis bien triste. Je suis sûr qu'il y a bien des expressions que j'avais avant, que j'ai... que j'ai enlevé de mon rythme. Perdu. Que là. J'ai perdu parce que les gens me disaient, non, ça se dit pas comme ça. Je disais, ah ouais, je pensais que ça se disait. Ensuite, là, tu sais, quand t'es jeune, tu arrives à une place, t'as moins confiance. Alors là, master, je me dis, je parle comme je parle, puis si vous aimez pas ça, ben, rentrez à ma. On ferme les micros. Mais dans ta musique, le côté franco-ontarien, il est où? Dans ma musique, il est partout. Pour moi, c'est juste être soi-même. C'est comme je disais, moi, je suis franco-ontarien, alors forcément, ma musique est franco-ontarienne. Tu t'es pas québécisé, là, avec le temps. Non. Comme dans mes textes, j'essaie pas de mettre de joual. J'essaie pas d'être... J'essaie de rester assez universel dans la façon que j'écris là, pour que un français de n'importe quel francophone peut comprendre. C'est ça. Mais c'est ça le défi. C'est quoi le son franco-ontarien? C'est ça le défi. Vrai, ouais. On a moins une culture définie que comme les Acadiens ou les Québécois, j'imagine. Parce que l'Ontario est tellement grand et les francophones sont tellement éparpillés. Alors, c'est dur de trouver un noyau. Il n'y a pas vraiment un son qui différencie du Québec de l'Ontario, selon toi. Non, je pense pas. C'est peut-être... Comme je dis, peut-être parfois des accents. Parfois, peut-être un texte, là, je sais pas. Peut-être un petit côté anglo-saxon, mais il y a tellement d'individus différents. C'est tellement... Tu sais, dans juste la franco-ontarienne... en Ontario, c'est tellement multiculturel aussi. T'as un gars comme moi, t'as un gars comme Mehdi Cayenne, ensuite, t'as du monde comme le paysagiste. Là, c'est tellement... Je sais pas, plein de styles différents. Alors Là, tu reviens ici. T'es-tu arrivé depuis le début de la semaine? Ouais, depuis samedi. Là, j'avais un spectacle vendredi soir à la Valtrie. Ensuite, là, j'ai fait les 9 heures de route. Là, c'est quoi tu t'ennuies le plus de la fontaine, du coin? C'est sûr, l'été, je m'ennuie de la plage. Là, Ben, moi, j'aime bien aller dans la 18 à la fontaine. C'est vraiment beau. Ouais, la 18, c'était beau ça. Moi, ma famille avait une terre là avant. On avait notre propre plage il y a 10 ans. Alors, moi, je suis tout le temps nostalgique quand je vais en bas à la 18. Là, mais c'est toutes les plages. Puis ensuite, je découvre toujours des nouvelles plages. C'est toujours le fun. Mais c'est aussi de la famille, le bon air, le fraîche, la campagne. Tu sais, les gens, tu sais, c'est de se promener puis croiser des gens qui me connaissent. Au Québec, c'est le fun. Les gens vont me reconnaître, mais moi, je les connais pas. Ils vont dire « Hey, Damien! » Allô. Mais ici, c'est comme « Hey, Damien! » Puis OK, je vais dire « Ah, ils me connaissent parce que... » Tout le monde se connaît par son petit nom, presque. Ouais. Ici, ils me connaissent plus à cause de mes parents. C'est le garçon à Élise. Oh, c'est le garçon à Robert. T'sais, c'est plus que pour ce que j'ai fait. J'aurais aimé ça parler à ta mère, mais quel est le meilleur mauvais coup que tu as fait dans ta jeunesse? C'est-tu de mettre une patate dans l'exercice de ton professeur qui t'a donné une mauvaise note, lancer des œufs sur le toit de ta voisine? Ah, j'étais tellement gêné quand j'étais jeune. J'osais pas faire des mauvais coups. Je pense que le pire que j'ai fait, je dessinais sur le pupitre. Puis là, mon pupitre était... Il était plein de petits dessins, là. Alors, je me suis fait chicaner pour ça, mais j'étais un enfant idéal. T'étais sage comme une image. Ouais, j'étais sage, ouais. Mais là, si je me faisais chicaner, c'est à cause de mes amis. C'est de leur faute, ils te traînaient dans leur combine. Ouais, là. Exactement, je voulais pas, mais... C'était qui le pire de tes amis, là, qui te traînaient dans des aventures un peu étranges? Il y avait Alain Chartrand, lui. Il me traînait dans les affaires. Antoine Desvillers, là. Oh, Jean-Marc Cousineau, là, eux autres. Christian Forget, quoi. Sont-ils tous là en fin de semaine? Parce que là, il va y avoir des mauvais coups qui vont se faire à la fontaine, là. Ils vont me saboter ma guitare. Qu'est-ce que tu te réserves pour toi, là, cette semaine, là, entre tes shows? Tu vas faire quoi? Ben là, j'essaie de profiter de cette semaine un peu du congé là pour aller à la plage, profiter du temps avec la famille. Mais là, demain, mes musiciens arrivent. Alors là, je me prépare pour les accueillir vendredi du spectacle. Samedi, je vais aller profiter du festival. Mais après ça, faut que je pars en fou pour le restant de l'été. Je fais toute la côte nord la semaine prochaine. La tournée toute l'été. Je fais comme 10 000 km. Je pense que j'ai comme 5 jours de congé là, d'ici jusqu'à. C'est pas beaucoup, mais ça sonne comme peut-être beaucoup pour certaines personnes, mais c'est parce que je fais tellement de route, tu sais. Natasha Kwan, 14 heures de route, là, tu sais. Mais là, je me disais, si tu veux avoir plus de vacances, il faudrait penser à syndiquer. À se syndiquer, ouais. Ben oui, tu vas pouvoir avoir au moins 2 semaines minimum. Ouais, mais les vacances de la construction qu'ils ont au Québec, puis les vacances de la musique. Bon, non. Mais non, moi, pour moi, honnêtement, faire de la musique, c'est comme des vacances pour moi. Tu sais, je suis chanceux. Tu sais, il y a du monde qui part en vacances puis ils vont en Gaspésie. Moi, mon travail, j'embarque dans ma van puis je m'en vais en Gaspésie. Puis, tu sais, c'est des beaux paysages un peu partout. Alors, je suis vraiment chanceux. Oui, c'est vrai, par exemple. Nous autres, il faut prendre des vacances, mais toi, avec le travail, ça y va automatiquement. Damien, tu vas être des festivités là, du Festival du Loup ce vendredi 19h. On pense très bien que le toit de l'aréna va lever. Pour toi, on le souhaite très fort. J'espère qu'il va faire beau. Puis j'espère qu'il y a plein de monde qui vont sortir. Alors venez nous voir vendredi soir. On va faire un méchant beau spectacle. On va faire danser le monde en masse. C'est de la musique pour danser. Ça va être ma première expérience. J'ai très hâte de te voir. Oui, super. Merci, Damien, d'être passé nous voir à CFRH. Merci à toi.